Depuis 50 ans, Survival International aide les peuples autochtones à défendre leur vie, protéger leurs terres et déterminer leur propre avenir. En soutien à notre organisation, Marc Galliot raconte des contes autochtones. Tous les dimanches, en cette période de confinement, nous vous invitons à voyager. Une occasion de découvrir les cultures et les mythes fondateurs des peuples autochtones. Du bassin du Congo à l'Australie en passant par le continent américain, des récits à écouter seuls, en famille ou entre amis. Vous êtes-vous déjà demandé d'où venait le parfum des fleurs? Pour la nation Yandot d'Amérique du Nord, il aurait une provenance céleste. Avec l'origine du parfum des fleurs, Marc Galliot vous transporte dans un mythe aux mille odeurs. Ce conte est tiré du recueil Petites histoires de jardin et autres contes et légendes par Michel Beauvais. Une tribu de la nation Yandot décide de quitter son dernier territoire en une longue colonne humaine encadrée par les hommes les plus vaillants. Devant sont les enfants. Ils jouent à cache-cache dans les broussailles, passent les guets en s'éclaboussant avec de l'eau et avec des rires d'enfants, mais merveilleux, joyeux. Au loin, on entend les cascades et les enfants cueillent des fleurs aux mille couleurs. Quand tout à coup, ils poussent des cris d'effroi. Devant eux se tient une puissante panthère avec un tout petit bébé dans la gueule. Les chasseurs guerriers se précipitent les premiers et ils tirent maintes et maintes et maintes flèches sans jamais atteindre l'animal. Et pourtant, les tirs étaient bien ajustés. La panthère reste impassible. Elle dépose l'enfant sur le sol, tourne les talons et disparaît. La fille du chef se précipite la première et recueille l'enfant dans ses bras. C'était une petite fille. Elle était nullement apeurée, elle souriait, elle était habillée de perles enfilées dans des piquants de porc-épic. Lorsque la tribu Yandot est arrivée près d'un lac, le village a été monté et tout naturellement, la fille du chef a recueilli la petite fille dans son tipi. Elle grandissait plus rapidement que les autres. Elle sortait et le soir, lorsqu'elle revenait, elle avait toujours un bouquet de fleurs à la main. Alors la fille du chef l'a nommée Sit-Ama, ce qui veut dire « celle qui porte une fleur ». Ça n'empêchait nullement de jouer avec les autres enfants. Elle passait de tente en tente, elle était aimée de toute la tribu. Elle recevait toute leur affection. Malheureusement, un soir, la fille Sit-Ama est tombée malade, gravement malade. La fille du chef la veillait nuit et jour, et ceux qui connaissaient les herbes qui guérissent lui prodiguaient leurs meilleurs remèdes. Mais rien n'y a fait. Un soir, Sit-Ama est morte. Et la voici maintenant sur la route du village des morts. Et en chemin, elle rencontre une femme qui lui dit « Je suis femme tombée du ciel ». Et je suis ta mère, c'est moi qui ai envoyé la panthère te déposer dans le monde d'en bas pour que la fille du chef puisse te recueillir. Sit-Ama dit à femme tombée du ciel, écoute, avant de partir définitivement dans le village des morts, j'aimerais faire un cadeau à la tribu qui m'a recueilli. Alors femme tombée du ciel lui dit, ben justement, c'est pour cela que je t'ai envoyé. Vois-tu l'arbre de lumière là-bas? La fille répond oui. Eh bien, tu vas aller chercher les mille odeurs de l'arbre de lumière. Femme tombée du ciel lui donne un sac. Sit-Ama se dirige vers l'arbre de lumière et elle remplit son sac de toutes les odeurs de l'arbre de lumière. Et elle revient vers femme tombée du ciel. Alors femme tombée du ciel convoque un tout petit oiseau, le colibri. Et lui dit, veux-tu emmener Sit-Ama dans le monde d'en bas? L'oiseau répond oui. Aussitôt, Sit-Ama monte sur l'oiseau et elle devient aussi légère que la grâce des fleurs qu'elle aimait tant et aussi gracieuse qu'un rayon de soleil. Et voici que Colibri et Sit-Ama descendent dans le monde d'en bas et vont de fleur en fleur. Et Sit-Ama dépose un peu de l'odeur de son sac selon la couleur des fleurs. et un parfum entêtant, subtil, fort, remplit toute la contrée. Aussitôt, la fille du chef et la tribu Yondot reconnaissent là un cadeau de Sitz-Ama, un cadeau qui vient de l'au-delà. Quand les fleurs de montagne, des collines, de la plaine ont reçu leur parfum et leur délicieux arôme, Sitz-Ama est retournée là où elle devait aller définitivement et le colibri est resté parmi nous. Et il se délecte de fleur en fleur, de tous les nectars. Pour en savoir plus sur les peuples autochtones, rendez-vous sur notre site www.survivalinternational.fr. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau conte. Pour les peuples autochtones, la nature et toute l'humanité.